vrai don. Je ne recevrai pas en retour, au moins en tout cas pas en espèces. Ensuite, sixième remède, méditer sur Jésus, hein, sur la croix. Ici, on voit la croix. Jésus, lui qui était de condition divine, n'a pas retenu son rang qu'il est d'aller à Dieu, s'est dépouillé de tout. Pourquoi? Pour nous, par amour. Et dépouillé même de ses vêtements. Donc, il y a tout un dénuement étonnant sur la croix. Mais paniquons pas. En Jésus, sa dernière parole qu'il a dit, c'est une parole de confiance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il a remis, et le Père l'a relevé, lui a donné encore bien plus que ce qu'il avait laissé. Donc, demandons cette grâce du détachement et de la confiance dans le Père. Au fond, derrière ces attachements désordonnés, c'est qu'au lieu de mettre ma confiance en Dieu et en sa providence, je mets ma confiance dans des biens matériels. C'est pour ça qu'il y a comme une soif infinie qui ne satisfait pas ma confiance. Donc, septième et dernier petit remède, retenir, faire un acte de mémoire, comme je l'ai dit au début. L'argent peut être un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Toujours se souvenir de ça. L'argent n'est pas un bon maître. C'est pas lui qui doit décider. Mais c'est peut être un bon serviteur. Pour l'avarice, l'envie. Alors, l'envie, c'est plus subtil. Hein? C'est l'envie ou la jalousie, c'est moins un péché mignon. On se vante rarement, regarde, moi je suis envieux, je suis jaloux, oups, non, c'est quelque chose, c'est un péché qui se dissimule très bien, parce qu'on n'est pas très fier de ça. Et en même temps, voici quelques-unes des manifestations pour se dire, oups, est-ce que ça m'habite? Je vous pose quelques questions pour voir si ça peut nous habiter. Est-ce que vous vous êtes déjà attristé de la bonne note d'un collègue d'étudiant? Qui a eu une bonne note meilleure que la vôtre. Ça vous a-t-il déjà un petit peu fait « Ah, zut! » Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ben voyons donc, pourquoi il a proposé ce service-là super intéressant à l'autre? Moi, j'ai toutes les compétences. Pourquoi il ne me l'a pas demandé à moi? » Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mademoiselle, de dire « Ouais, elle est pas mal belle, celle-là. » Si elle pouvait se casser le talon haut, ça ferait du bien. Est-ce que, messieurs, ça vous est déjà arrivé d'envier la popularité ou l'humour qu'un de vos potes, tout le monde le trouve, « Wow, il est super, un tel, il est intelligent, il est drôle en plus. » Puis dire, « Ouais, puis moi. » Si ces sentiments-là vous ont déjà traversé l'esprit, bon, mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu d'envie qui vous a travaillé, de jalousie. C'est quoi la jalousie, au fond? C'est cette tristesse qu'on a à la vue du bonheur d'autrui. On devrait se réjouir, normalement, si on s'aimait vraiment l'un l'autre. Hein? On devrait se réjouir, mais parfois on est triste lorsque l'autre y arrive quelque chose de bien. Et c'est une maladie de notre cœur, parce qu'on devrait, encore une fois, se réjouir. J'appelle ça des fois aussi, des fois ça vient se greffer à des blessures familiales. Des fois j'appelle ça la maladie du frère aîné. Je sais pas si certains sont aînés, sûrement il y en a des aînés de famille ici, là, des premiers de famille. Alors, c'est pas facile d'être aîné. Parce que au début, quand t'arrives, quand tu nais, t'es le premier, t'as toute l'attention des parents, ils t'aiment, ils te consolent, ils te cajolent, oh, il est donc bien beau, il fait des beaux sourires. Mais quand le deuxième arrive, ben là, qu'est-ce qui se passe? Hey, you, j'existe. Et puis là, mais les parents, maman est scotchée avec le petit, qui arrête pas de boire après elle. Il va-tu la lâcher, le petit, torieux? Et puis, après ça, papa, tout le monde, même la visite, quand il arrive, oh, il est donc bien beau, le petit nouveau. Et puis moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Donc, il peut avoir ce syndrome de, le sentiment de plus exister, de perdre sa valeur. Quelle est ma valeur? Donc, au fond, des fois, ça peut se greffer, la jalousie, l'envie, sur une blessure qui s'est installée. Pas de panique, encore une fois. Même dans la Bible, hein, justement, il y a eu toutes sortes d'épisodes où les frères aînés ont pas mal jalousé le fait que le petit dernier était un peu trop préféré par les parents. Joseph, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, On l'a mis dans une citerne, puis ils l'ont même vendu, ses frères, pour régler son cas. Il va arrêter de nous énerver avec le fait d'être le petit chouchou. Voilà. Donc, comment la jalousie, on peut dire en trois points, là, ce que c'est, j'ai dit, hein, c'est ou bien une tristesse de ce que l'autre a, donc ce qu'il a, ou bien une tristesse de ce qu'il est, ou bien aussi, au fond, le problème de la jalousie, c'est qu'il y a un manque d'estime de soi. Je manque de confiance dans ce que moi-même j'ai et j'ai reçu. Donc, pourquoi il faut quand même travailler à se débarrasser de la jalousie, de l'envie? Parce qu'au fond, on se met à souhaiter du mal aux autres. Hein, le fameux petit talon cassé de la fille de tantôt, là, si elle peut se planter un petit peu. Hein, on se met à souhaiter du mal. Puis au fond, on peut se mettre à souhaiter le mal ultime qui est la mort. Et le premier meurtre dans la Bible, c'est un meurtre de jalousie. Caïn est jaloux de son frère Abel parce que son sacrifice a l'air d'avoir plus plu à Dieu. Caïn est pas content. Dieu lui dit, une minute, calme-toi, puis fais-moi une belle offrande, puis je vais l'agréer. Mais plutôt que faire ça, il dit, viens donc, hein, on va aller prendre un petit tour dans le champ. Puis là, il l'a tué. Il s'est débarrassé de son ennemi, en fait. Donc, demandons à Dieu, de grâce, fais que je me débarrasse pas de ceux dont je suis jaloux. Pourquoi aussi c'est redoutable, la jalousie? C'est que c'est l'ennemi juré de toute vie commune. Ça vient miner la solidarité même d'un groupe. Alors qu'on est fait pour être complémentaire et solidaire, eh bien, on se met à être concurrent. Voilà, il y aura plein de choses à dire encore, mais je saute vite. Alors, comment la reconnaître? Hein, il y a toutes sortes de petits signes, là. Si on a de la misère à se réjouir du bien de l'autre, mais c'est vraiment un signe que peut-être il y a un petit peu de jalousie mêlée à des blessures. Aussi, si j'ai du mal à faire des compliments à une personne. Je fais des compliments à toutes sortes de personnes, mais elle, non, vraiment pas elle. Ça se peut que j'ai un petit peu de jalousie envers cette personne-là. Si je me réjouis du malheur de l'autre, ou si je me mets à avoir un esprit vraiment critique tout le temps, plutôt que d'avoir un esprit de « ah, je suis capable de voir le bien que les autres font », ou d'être trop captatif, bref, toutes sortes de petits signes qui peuvent montrer, j'ai des efforts à faire sur ce point-là. Donc, je vous donne quelques remèdes en rafale. Premier point capital, si je veux guérir, c'est reconnaître que peut-être ça m'habite, la jalousie. Mais donc, le premier remède, contempler Jésus. Encore une fois, contempler Jésus qui, Paul nous dit, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'a pas eu peur de s'abaisser. Et le Père l'a élevé. Deuxième, justement, remède, demander au Père de montrer quelle est ma place. Hein, il y a un plan de salut, il y a une place pour chacun, lui. Mais lui dire, Père, mon Père des cieux, là, toi qui m'aimes, et puis Esprit Saint, éclaire-moi donc, c'est quoi que moi j'ai reçu comme don spécifique pour que je cesse d'envier les autres? Donc, justement, un troisième remède, regardez vos joies. Ceux qui me connaissent en savent, j'ai déjà dit, je vous invite à commencer un petit carnet de joie et vous poser la question, est-ce que j'ai reçu des cadeaux aujourd'hui? Est-ce que Dieu m'a donné des petites joies? Et même les noter s'il faut, si j'ai tendance à beaucoup envier. Pourquoi? Parce que les joies que Dieu me donne me permettent de m'apercevoir, hey, je reçois des choses moi aussi. Il faut que j'arrête de regarder dans la cour du voisin. Quatrième remède, stop à la pensée binaire. Ou bien je suis tout, ou bien je suis rien. Entre les deux, je suis peut-être un membre d'un ensemble plus grand. Donc, apprendre à penser en équipe. Apprendre à penser en équipe comme le rouge et or. Hein, la victoire, le bon coup de celui qui fait la touche, c'est un bon coup pour toute l'équipe. Alors, autre remède, Jésus qui dit à Pierre, hein, Pierre est préoccupé, Jésus vient de lui confier sa mission après la résurrection, « Toi, paie mes brebis, ben, c'est bien, tu vas être le responsable des apôtres, super. » Puis là, il voit Jean, puis Pierre dit, mais lui, qu'est-ce qui va arriver? Et Jésus lui dit, « Mais que t'importe à toi? » Si je veux qu'il soit même pas mort quand je vais revenir, toi, suis-moi. Donc, autre remède, moi, suive Jésus. C'est-à-dire regarder devant, essayer d'arrêter de regarder à gauche et à droite tout le temps. essayer d'arrêter justement de me comparer aux autres. Autre petit remède communautaire pour nous aider à nous guérir les uns les autres, c'est dire aux autres en quoi il est bon. Parce que pour préserver l'autre, pour l'aider à pas être tenté d'envier tout le monde, ben pas se gêner pour dire « Hey, t'es donc ben bon là-dedans, t'es bon là-dedans », puis dire des vraies choses. Comme ça, je révèle à la personne toute sa beauté, sa bonté. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais demandons à Dieu cette grâce de ni sombrer ni dans l'avarice, ni dans la jalousie, mais d'entrer dans une grande confiance dans ce Dieu qui nous aime. C'est lui qui me la donne, ma valeur, c'est lui qui vous la donne. Et il y a une place pour chacun de nous. Il y a une place et il y a des dons et charismes pour chacun de nous. Chacun à son poste et ensemble, on va gagner cette victoire de l'amour qui gagne du terrain. Oui, Seigneur, on te le demande. Sois toi-même notre sécurité et sois toi-même celui qui nous donne notre valeur et notre mission. Amen.